C'est comme n'importe quoi. Ça libère l'homme jusqu'à temps que ça esclavagie l'homme. Alors, il y a énormément d'êtres humains qui auraient encore besoin d'une structure conventionnelle pour arriver à se libérer, mais ces humains-là ne sont pas nécessairement ceux qui, du moins, ce n'est plus moi. Alors, si la nécessité reste, et elle reste d'ailleurs, il y aura nécessairement d'autres structures pour récupérer ces gens. La structure qui m'intéresse, moi, est une structure qui est un peu plus d'avant-garde. C'est une structure qui permet à l'humain de se libérer du point de vue spirituel, c'est-à-dire se libérer de la spiritualité, qui permet à l'humain d'arriver à se libérer de l'illusion, d'une grande partie du mensonge cosmique, qui permet surtout à l'humain de se libérer des fondements mêmes du mensonge cosmique, c'est-à-dire qu'il peut comprendre l'intelligence de supporter des concepts tant que sa structure neuronique ne peut faire autrement que d'envisager des images électromagnétiques, des idées neuroniques en fonction de ce concept. Et si l'humain ne place pas d'émotion dans le concept, lorsque la structure neuronique est capable d'engendrer des images électromagnétiques qui dépassent les cadres d'une quadridimensionnalité, le concept est nécessairement transformé ou détruit, remplacé par un autre sans qu'il y ait de souffrance. Donc, libérer l'humain du point de vue de sa conscience. Pour libérer l'humain du point de vue de sa conscience, il faut créer un cadre, un véhicule suffisamment parfait pour permettre à l'intelligence ou à la conscience de se plaire à habiter dedans. Donc, nécessairement, si nous sommes toujours l'invité particulier ou l'invité secondaire du corps physique, étant donné que nous sommes l'invité de l'ego, l'invité du virus, parce que l'ego n'est pas capable de savoir qui il est, elle nous invite pour qu'on lui dise, le moindre moment qu'on lui en dit un peu, il ferme la porte, il nous met dehors, et puis là, il jubile ce qu'on lui a dit pendant un laps de temps. Quand l'ego a peur, est insécure, est inquiet, il nous réinvite. Quand on revient, ben là, on observe le monde par ses yeux, et là, on l'instruit de ce qu'on voit. Du moment qu'il y a un peu d'information, il nous remet encore dehors, il tripe encore pendant un bout de temps. Bon, évidemment, ce genre d'évolution, nous, en tant que conscience, nous devenons relativement... Nous ne voyons plus l'intelligence à long terme de poursuivre la cohabitation avec un virus dans un corps physique. De deux choses l'une, ou bien on met le virus dehors, ou bien on change de corps. Maintenant, étant donné qu'il y a des corps physiques dont la génétique est suffisamment avancée, il n'y a pas une banque énorme de corps physiques dont la génétique permet à la conscience de venir consciemment. Alors, la meilleure chose, c'est de briser l'archétype. En brisant l'archétype pour une structure mémorielle, cela veut dire qu'on doit prédigérer l'ego avant d'arriver à digérer l'ego. La prédigestion de l'ego est le néotypage des archétypes. La digestion de l'ego est la dissolution totale des néotypes dans une énergie qui est de l'énergie vitale vers la construction d'un double éthérique. Donc, la prédigestion, étant donné que la structure même archétypale qui constitue l'ego, les vieilles formes, ne sont pas transmuables directement en double éthérique. Elles le refusent, elles ont un chemin trop long à prendre, alors on doit envoyer des mécaniques qui sont plus adaptées à la prédigestion des archétypes, de façon à scinder les archétypes extrêmement rigides en néotypes. Néotypes qui, étant plus neufs, sont moins cristallisés, moins refroidis, plus facilement par la suite à retransmuter en énergie vitale, ce qui va engendrer la courbure de l'espace-temps autour du corps physique de l'homme, donc du Dieu matériel, et ce qui va permettre aussi la libération totale de tous les plans énergétiques sous-jacents à la conscience. Ça veut dire que dans l'évolution, le travail évolutif que moi j'ai entrepris par rapport à moi et que j'entreprends aussi avec d'autres individus que je vais entreprendre dans l'avenir, est une évolution énergétique qui permet à l'être humain de se libérer matériellement, physiquement, qui permet à l'être humain de se libérer vitalement, astralement, et qui permet à l'être humain d'avoir une conscience suffisamment supramentalisée pour lui permettre, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'arriver à supporter ou à comprendre que les fondements mêmes du mensonge cosmique sont de l'énergie, d'une énergie qui doit être transmuée pour devenir une autre forme de béquille, de façon à ce qu'un jour, ça ne soit plus des béquilles, mais que ce soit simplement un phénomène de transport qui permet à l'humain de s'estomper dans le temps. Alors, la manière de fonctionner, une manière qui est assez évidente, c'est que l'être humain doit associer son évolution supramentale à tout le reste de sa vie. J'en ai déjà parlé, mais en parler, c'est une chose, sauf que les individus n'ont pas l'énergie nécessaire pour enclencher la mécanique. Et il y a aussi un autre phénomène qui est évident, c'est que, je l'ai déjà dit aussi, c'est qu'il n'y a personne qui se baptise de par lui-même, donc chaque individu est nécessiteux d'un autre individu. Maintenant, et pour pouvoir faire un fonctionnement convenable, une évolution libératrice sous plusieurs plans, convenable, il est essentiel de s'associer des individus qui sont dans une phase évolutive qui se rapproche de la nôtre. De ce fait, il y a une problématique majeure. Plus d'individus supramentalisés se rencontrent, plus il y a tendance à voir surgir des martyrs de la transition supramentale. De ce fait, il est intelligent de ne pas grouper trop d'individus qui vivent une mutation supramentale pour empêcher ce genre de symptômes ou de pathologies supramentales d'apparaître. Par contre, il est absolument essentiel que les individus qui vivent une mutation énergétique supramentale soient suffisamment proches les uns des autres dans le but d'engendrer une synergie qui fait que ce regroupement énergétique va permettre, premièrement, une dissolution ou un éloignement de la structure astralisée autour de leur conscience pour permettre une descente plus prolongée dans le temps et plus puissante dans l'espace de l'énergie supramentale. Alors, il y a donc une problématique double, c'est que l'individu qui vit une évolution doit la vivre en collaboration avec autrui, mais doit la vivre seul. Cette collaboration individuelle est une mécanicité qui doit être développée dans l'avenir, c'est une mécanicité qui doit être comprise par les individus. Cela veut dire qu'un individu peut être assis à côté de 50 ou de 50 000 personnes en restant individuel, mais que lorsqu'il y a une expression supramentale, elle ne peut se faire que sous forme de monarchie. Et c'est là la problématique. Une expression supramentale est nécessairement monarchique, c'est-à-dire qu'un individu qui a une expression supramentale doit être l'unique exprimeur, sauf dans certaines conditions où il y aura une union limitée consentie par les consciences des individus, une union limitée qui permettra, comme tout à l'heure je l'ai expliqué, à un monarque, soit un président d'assemblée, de demander à l'énergie supramentale de descendre à travers d'autres formes de véhicules biologiques dans le contexte extrêmement humain. On dira « demander l'opinion d'autrui ». En réalité, le monarque président de l'Assemblée fait en sorte que l'intelligence supramentale descende à travers d'autres réceptacles biologiques, d'autres corps physiques, et ces individus, ces corps physiques, vont donc exprimer l'intelligence supramentale en fonction de leur coloration biologique et astrale, et cela permet à l'intelligence du monarque, du président de l'Assemblée, d'avoir une valeur plus juste, non pas adaptée à sa perception qui est possiblement trop évoluée pour la planète Terre, mais d'avoir une valeur plus juste de ce que l'intelligence, de la façon dont l'intelligence doit être appliquée dans un contexte humain, planétoïde, en phase d'évolution. L'individu qui doit vivre ce collectivisme individuel doit être monarque, c'est-à-dire que, dans le restaurant de tout à l'heure, celui qui s'occupe de la partie de droite doit être monarque, c'est-à-dire que lorsqu'il veut exprimer de l'intelligence, il ne doit pas être continuellement confronté à une autre forme d'expression de la même intelligence qui, par un autre véhicule physique, vient s'opposer à la sienne. Étant donné que les corps physiques sont égoïsables de par leurs principes mémoriels, il devient relativement facile d'engendrer une guerre d'égo entre la même intelligence qui s'exprime par deux corps physiques. De ce fait, étant donné qu'il y a de l'intelligence qui s'exprime et qu'il y a une supramentalisation ou une énergification de la structure neuronique de ceux qui expriment l'intelligence, il y a grand risque d'engendrer un refoulement d'expression d'intelligence supramentale. Cela va engendrer une expérience intra-amique égoïsante et on risque d'engendrer le MTS, le martyr de la transition supramentale. Alors, dans l'avenir, la structure d'évolution doit être basée sur la libération de l'homme, libération du point de vue spirituel, donc il ne doit plus avoir la foi dans les archétypes, il ne doit plus croire dans les archétypes, il ne doit plus non plus se laisser manipuler à partir de l'archétype structural des sociétés, c'est-à-dire le collectivisme, les modes. Et il y a la mode de crier quand il pleut, la mode de crier quand il fait froid, la mode de se plaindre quand il y a de la neige autour d'automobiles. Et bon, il y a ce genre de conneries qui doivent absolument être abandonnées. Et ça, l'être humain qui chemine présentement dans la conscience supramentale, la majorité ont suffisamment d'informations pour pouvoir néotyper et instruire leur ego. Et évidemment, il reste la reprogrammation de l'ego, c'est-à-dire la prédigestion de l'ego. De ce fait, l'évolution changeante, le changement ne se fait pas nécessairement très rapidement, mais il se fait. Plus l'individu a conscience qu'il a ce problème, plus l'intelligence est présente chez lui. Plus l'intelligence est présente chez lui, plus il y a prédigestion de l'archétype, donc néotypage de l'ego. Maintenant, l'individu doit orchestrer son évolution en fonction d'une libération de toutes les structures qui permettent à la mécanique réflexe de l'ego de l'associer collectivement aux autres. Cela veut dire que lorsque tu as une automobile qui est toujours en panne, tu as beaucoup plus de risques de crier, de chialer. Lorsque tu vis avec des individus qui sont tout à fait en harmonie avec toi, tu as beaucoup plus de chances de te faire ramasser. Lorsque tu travailles ou lorsque tu vis avec des individus qui sont des vampires qui têtent ton énergie, tu as beaucoup plus de chances de te faire ramasser. Bref, toute la structure matérielle qui entoure l'humain ainsi que la structure événementielle nous fait partie de la gestion de celui qui évolue. Il doit manipuler, il doit orchestrer, il doit monarchiser les choses, il doit être le monarque de son monde. Maintenant, ici, il veut engendrer une hiérarchie inférieure à la sienne, il se doit d'être capable de supporter une hiérarchie supérieure à la sienne. Maintenant, les hiérarchies sont des hiérarchies qui sont conceptuelles, c'est-à-dire que ce ne sont pas des hiérarchies qui restent éternellement, ce ne sont pas des hiérarchies non plus de principes égoïques. Ce sont des hiérarchies coordonnatrices, ce sont des hiérarchies ordonnatrices, ce sont des hiérarchies disciplinatrices, mais ce ne sont pas des hiérarchies de pouvoir. Alors, à un moment donné, on est dans une compagnie, on décide que dans notre restaurant, on décide que l'administrateur, le monarque du restaurant, c'est notre administrateur comptable. Et moi, j'ai la partie de droite, toi, la partie de gauche. Je suis monarque dans mon côté, tu es monarque dans le tien, et l'autre est monarque dans toute l'affaire. Quand on va au conseil d'administration, c'est lui qui doit décider. Maintenant, vu que lui a de l'intelligence, il demande aussi à l'intelligence de passer par nous, histoire de vérifier, pour la simple raison que la coloration qui m'habite est une coloration qui est bâtie en fonction des clients qui viennent dans ma partie. La coloration astrale qui t'habite est une coloration qui est basée sur les clients qui vont dans ta partie. Alors, à un moment donné, lui, il a une raison intelligente, une idée intelligente, une expression intelligente, et il va demander à l'intelligence de passer par toi, parce que colorée par l'expérience des clients de ta partie, elle va sortir ajustée aux clients de ta partie. Colorée par moi, elle va s'ajuster aux clients de ma partie, ce qui risque d'être beaucoup plus ajusté du point de vue d'affaires ou du point de vue du public que le monarque pourrait arriver à exprimer en laissant passer l'intelligence exclusivement par lui, qui n'a comme facteur coloratif que l'expérience qu'il a de nous deux. Alors, il reste monarque. Je suis monarque, tu es monarque, mais c'est quand même lui qui va décider et il va laisser passer l'intelligence par toi, par moi. Il aura une autre saveur et il va trancher. On reste donc assujetti à une hiérarchie supérieure, ce bonhomme-là, qui nous élimine tout le stress égoïque et qui nous élimine une grande quantité de déplacements. Le déplacement, le terme est à inventer, on pourrait l'inventer, j'ai failli l'inventer, mais c'est un terme qui est assez extraterrestre, d'un déplacement qui fait référence à la mécanique de gestion des énergies lorsque l'on veut structurer de la matière en affaires. On va mettre un mot, mais on en a dit. Bon. Alors, au lieu, moi, de vivre ce genre d'expérience, ce genre de stress, je le laisse au monarque. Moi, je vais me contenter de vivre l'ajustement de l'énergie supramentale par rapport à ma clientèle. Et lorsque lui me demande, lorsqu'il me pose la bonne question, je laisse passer l'intelligence et je lui la laisse s'exprimer. On pourra dire, je lui donne mon opinion. Mais je ne gère pas plus haut que ce que j'ai à gérer parce que ça devient absolument ridicule, c'est une perte de temps. C'est comme de devoir absolument aller faire la commission. Tu vas chez Simpson et tu commandes quelque chose et on te dit, bon, mieux que ça, tu vas faire réparer ton automobile. Et le bonhomme, le mécanicien, te dit, bon, il manque une pièce, je l'envoie chercher. Tu dis, OK, je peux y aller avec le gars. Bon, ben, vas-y avec le gars si tu veux. Puis quand il arrive chez le vendeur de pièces, ben, il lui dit, il lui vend la pièce. Puis l'autre, ben, il se lie avec, puis il revient avec. Tu n'as pas besoin de perdre de l'énergie, du temps à toujours t'occuper de ce que tu n'as pas à t'occuper. Et ça, c'est la grosse problématique encore, c'est d'arriver à trouver son trou. Quand on veut avoir les trous de tout le monde, quand on a psychologiquement l'idée du pouvoir et de diriger tout ce qu'il y a là, ça ne peut pas être efficace. Mieux vaut être parfait dans ce qu'on est que d'être imparfait dans tout ce qu'on n'est pas. Alors, la hiérarchie que je te parle est une hiérarchie qui est coordonnatrice, une hiérarchie qui n'est pas question de pouvoir. Le bonhomme, il n'est pas plus ou moins évolué, ça n'a rien à voir. Lui, son trou hiérarchique de monarchisation, c'est ce qu'il fait. Moi, mon trou hiérarchique de monarchisation, c'est ce que je fais. Si on change les rôles à un moment donné, je changerai aussi ma coloration, mais je ne devrais pas descendre dans le public de temps en temps pour aller voir si ta coloration est égale à ma coloration. Je devrais rester dans mon trou. Alors donc, la monarchisation est évidemment la solution d'avenir. La monarchisation par l'intelligence, c'est un peu ce qui s'est passé, parce qu'il faut bien constater que dans l'astral, il y a toujours des copies conformes de l'intelligence. Si on regarde le facteur militaire dans l'armée, c'est exactement ce qu'on a. Mais par incompréhension, c'est de l'astralité. Alors, on a le caporal, on a le sergent, on a le lieutenant, ça va jusqu'à très haut. Et chacun a son trou. Il est évident que le général ne va pas vérifier ce qui se passe sur le terrain pour donner des ordres. Lui, tout ce qu'il fait, c'est qu'il délègue. Il est évident que ceux qui sont en bas de l'échelle, s'ils veulent vivre heureux, ils n'ont pas à commencer à s'occuper de tout ce qui se passe partout. Ils vont tellement en avoir qu'ils ne pourront pas rien faire. Ils doivent simplement s'astreindre à une coordination. Alors, à un moment donné, il y a un tremblement de terre quelque part au Québec, un petit village, et tout le groupe ici, dans la salle, peut être suffisamment entraîné du point de vue médical, du point de vue physique. Il est totalement équipé, et par transport hélico-porté, ils sont amenés dans cette région. Il doit y avoir un monarque coordonnateur, il doit y avoir des monarques secondaires, il doit y avoir des monarques jusqu'en bas. Et le dernier individu de l'échelon est monarque. Il doit être monarque pour lui. C'est tout. Alors, si on est extrêmement coordonné, eh bien, si le grand monarque dit, « Bon, alors, toi et tout ton groupe, vous allez faire telle chose. » Il ne pose pas de questions, aux autres. Ils vont faire la chose. Et eux autres vont déléguer. Vous faites ceci, ceci, ceci, ceci. Tu prends un médecin avec toi, tu prends deux brancardiers avec toi, tu prends un sapeur-pompier avec toi, tu prends ceci, tu prends cela, vous allez là-bas, puis vous me faites un rapport du moment où vous arrivez. Ce gars-là, ce fille-là, elle a la radio, c'est elle qui va me communiquer. Les gens parlent. T'as pas besoin de commencer à savoir, oui, mais là, il n'y a rien qui nous dit que c'est correct, c'est ici. Laisse tomber. Mieux vaut du monde efficace dans un mauvais plan que du monde inefficace dans un bon plan. Alors, on n'a pas à se poser la question. Et si tous les individus acceptent cette hiérarchie-là, ça devient supra-efficace. Et si on prend le même principe dans l'évolution, dans les affaires, dans la vie familiale, dans la santé publique, dans n'importe quelle gestion sociale, c'est la même chose. Si chacun accepte, est monarque dans ce qu'il a à faire. Quand tu arrives là où tu as à travailler toi et il n'y a plus rien en bas de toi, tu es monarque là. S'il y a des gens en bas de toi, tu es monarque au-dessus d'eux. Mais pas en question de pouvoir, en question de gestion. Tu as une communication radio à faire, tu ne prends pas la radio du radio. Tu lui dis simplement, il va à faire. Il connaît tous les pitons, il connaît les cossins, il est habitué à ça, il connaît le langage, ça marche. Toi, ça te permet de continuer à faire ce que tu veux faire, à donner des ordres peut-être pendant que tu lui dis simplement, rejoins telle personne. Tu continues à donner tes ordres, les gens font des choses. Quand ils l'ont rejoint, là, tu peux peut-être prendre le micro si tu as y parler, mais c'est lui qui fait ces choses-là. Puis lui, s'il se sent médiocrisé là-dedans, c'est un imbécile parce que s'il n'est pas là, il empêche tout le reste au complet de fonctionner. Chacun a la même valeur. L'idée, c'est de ne pas vouloir vivre d'une hiérarchie de pouvoir où tu vas dire, oui, mais c'est bien plus. Énergisant pour l'ego, donc on peut dire profitant pour l'ego, c'est beaucoup plus plaisant, c'est beaucoup plus enrichissant, valorisant de faire ceci que cela. C'est tout à fait imbécile de dire cela. Si on vise un résultat particulier, c'est le résultat qui doit compter, et non pas le moyen par lequel on va y arriver. Alors, on parle d'évolution qui permet à l'humain de se libérer. Cela veut dire que dans les temps qui viennent, l'humain devra obligatoirement s'arranger pour créer une synergie fonctionnelle ensemble, c'est-à-dire qu'ils doivent s'arranger pour évoluer sous la même bannière, en ce sens qu'ils doivent s'arranger pour avoir des facteurs corrélatifs, des facteurs qui vont leur permettre des relations entre eux, des facteurs qui vont leur permettre d'être associés à un canal égrégorien, à un nombre de formes particulières qui va faire en sorte que l'intelligence supramentale saura reconnaître instantanément, immédiatement l'individu qui fait partie de ce que l'on pourrait appeler un peuple nouveau. C'est évident que génétiquement, un peuple, quand je parle d'un peuple, ce serait plus précis de dire une race nouvelle. Pas un peuple, une race. Alors, dans une race, tu peux avoir deux pays différents, avec deux drapeaux différents, deux gouvernements différents, mais c'est la même race. Ils peuvent se faire la guerre, c'est la même race. Donc, le terme race est plus précis en ce sens que ça ne veut pas dire que l'individu qui suit mes conférences fait partie de cette race et que ceux qui ne suivent pas mes conférences n'en font pas partie. Cela est faux. Il y a des caractères très distinctifs de cette nouvelle race. Lorsque l'individu commence à exprimer ses caractères distinctifs, il peut les apprendre. Et s'il n'a pas à les exprimer, même s'il les apprend, il ne pourra pas les exprimer. Donc, ce n'est pas dangereux de les enseigner. Par contre, s'il a à les exprimer, s'il l'apprend, il les exprime plus rapidement que d'attendre simplement que ces choses-là arrivent chez lui. Alors, il y a donc une possibilité de former des individus de cette nouvelle race à vivre. Donc, au lieu d'avoir un symbole particulier, ça sera la courbure de ta colonne vertébrale qui va déterminer ta race. Ça sera la profondeur de ton regard qui va déterminer que tu es de cette race. Ça sera l'ajustement de ta parole. Ça sera la perfection dans différentes choses qui vont déterminer qu'effectivement tu appartiens à cette race. Ces individus doivent s'unir dans des mécaniques qui permettent la libération de l'homme. Donc, ils doivent s'unir dans l'évolution supramentale. Ils doivent s'arranger pour avoir des dialogues supramentaux. Ils doivent s'arranger pour se fréquenter, mais pas 15 personnes. Tu as 2, 3, 4 amis, c'est possiblement suffisant. Mais tu es toujours tout seul, il y aura un problème. Alors, ils doivent s'arranger pour avoir une certaine forme de fréquentation. Ça peut être une fois par mois, ça peut être n'importe quoi, ça ne dérange rien. C'est quelque chose qui doit se faire. Mais la meilleure façon d'engendrer un objectif, une carotte conceptuelle qui va faire en sorte de donner suffisamment de liberté à l'ego pour que celui-ci autorise le phénomène supramental, donc nous, la conscience dans le corps physique, à pouvoir vivre sur la mécanique que j'explique là, ça va être les affaires, c'est-à-dire s'arranger pour avoir du fric. Maintenant, lorsque l'individu veut s'arranger pour avoir de l'argent, l'individu doit se servir de la mécanique des affaires dans le but expressif de faire descendre de l'intelligence. Donc, il ne peut pas se lancer en affaires avec comme premier principal objectif la sécurisation de son ego. L'individu place de l'argent quelque part et par la suite, il s'assoit sur ses lauriers et il espère que ceux à qui il a mis ça sont suffisamment intelligents pour lui tripler ou quadrupler son argent dans les 6 mois à venir. Mais ça ne marche pas. L'individu doit être disponible à une formation. Une formation qui va le supramentaliser en le libérant. Des personnages vont dire « Oui, mais moi, j'ai pas d'argent. » Ils n'ont peut-être pas d'argent, mais s'ils n'ont pas d'argent, ils devront mettre du temps. Ils devront se former. Exactement comme le jeune qui dit « Moi, je veux bien aller travailler, mais j'ai pas d'argent. » Bien, ça n'a rien à voir. L'argent, le patron va t'engager si tu es capable de faire certains travaux. « Ah bien, je ne suis pas capable de rien faire, mais je peux apprendre sur le tas. » Non, on va te demander de suivre des cours. Évidemment, la structure pédagogique actuelle est basée sur le très long terme. C'est-à-dire que dans 6 ou 7 réincarnations, ce que tu vas apprendre aujourd'hui pourra peut-être te servir. Si on retourne à l'époque de l'âge des cavernes. Mais si on veut avoir une structure pédagogique correcte, on doit vérifier le potentiel qu'a l'intelligence supramentale à être exprimée par un individu pour déterminer le trou dans lequel l'individu sera le plus efficace. Quand cela est déterminé, ce n'est pas l'ego qui détermine ça. Moi, je ne te demanderai pas qu'est-ce que tu veux faire. Je vais t'observer, allez, je vais te dire ce que tu peux faire. Mais te demander ce que tu veux faire, c'est se baser sur ton ego. C'est comme demander à un jeune qui va à l'école, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Ben, je veux être pompier. Impeccable. Il s'en va étudier comme pompier, puis après ça, s'en va chômeur. C'est pas qu'est-ce que tu veux faire qui est important, c'est ce que tu vas faire, donc ce que tu peux faire le mieux. Si tu peux uniquement être pompier, on va te laisser pompier. Mais tous les autres zigotos qu'on a mis comme pompiers, qui vont prendre ta place parce qu'ils sont plus âgés que toi, ils seraient pas là, eux autres, s'ils arrêtaient dans leur trou. Donc, tu aurais ta place. Alors, on doit s'arranger pour que tous ceux qui n'ont pas la capacité pécuniaire ou expérientielle de se lancer en affaires, on doit s'arranger pour les former. Il y a toujours quelque chose à faire. Et l'important est de s'arranger pour qu'il y ait un échange énergétique convenable, de façon à ce que tous les individus qui se supramentalisent puissent, d'une façon ou d'une autre, avoir accès à la richesse à un moment donné. Mais l'individu ne peut pas exiger d'avoir accès à la richesse dans les années ou dans les mois à venir. Il se peut qu'il y ait accès. Tout dépend de la faculté qu'aura son corps physique et son ego à accepter l'intelligence supramentale. Maintenant, un individu peut accepter l'intelligence supramentale qui provient de quelqu'un d'autre. Il aura donc un ajusteur collectif. Mais dans son cheminement et dans sa formation, il devra être formé en vue d'être totalement libre et unique à un moment donné. Lorsqu'il est libre et unique à un moment donné et qu'il a un ego qui accepte maintenant la réussite d'affaires, on pourra le mandater, donc le donner comme monarque, à travers une nouvelle compagnie, à travers une nouvelle structure, à travers une nouvelle idée. De cette façon, il apprend à se servir de l'intelligence supramentale, il apprend à l'appliquer, il s'en égoïse parce qu'il doit comprendre régulièrement que ce n'est pas lui qui réussit, mais que c'est l'intelligence qui fait les choses. Et en même temps, il aura une récompense énergétique qui est absolument égale à la valeur aristocratique de son expression. Donc, il aura un déneigement pécunier et lentement, on y pourra voir la valeur de ce qu'il vaut du point de vue financier. L'intelligence supramentale n'exige pas que l'humain vive dans la boue. La seule problématique, c'est que toute la gestion de l'argent, donc de la matière, ainsi que de la santé, est régie par la mécanicité archétypale de l'astral. Alors, lorsqu'une personne devient reliée à un plan supramental, il n'a pas la faculté d'exprimer ce plan supramental dans la matière pour se rendre riche, à moins qu'il ne l'exprime à partir de la relation qu'aura la matière et l'argent avec l'astral. Pour que cela se fasse, il devra jouer certains jeux particuliers ou il devra avoir une autorité mentale très coordonnée dans le monde de la mort, donc dans l'astral, pour parvenir à cette libération. La première chose est de diviser la problématique, disons, la secousse sismique pécuniaire de départ. Donc, si plusieurs individus mettent un peu d'argent en commun et qu'on lance deux ou trois affaires, si une ou deux des affaires tombent, chaque individu perd un peu. Mais personne n'est dans la rue. Et étant donné qu'il y a eu suffisamment de pécules qui ont été réunies dans un sac, il y a toujours suffisamment d'argent pour se relancer quelque part. Alors qu'un individu qui veut fonctionner seul du point de vue énergético-monétaire, s'il se casse la gueule, il se l'est cassé convenablement. Mais s'il est uni à travers une structure financière qui est beaucoup plus collective, on ne peut pas agresser collectivement tout le monde. Il y en a un là-dedans qui ne peut pas être pauvre. Parce qu'il est maintenant avec nous, on ne peut pas tous être pauvres. Il y a une partie de l'argent qui ne peut pas partir. Il restera toujours suffisamment d'argent quelque part, donc d'énergie, pour relancer quelque chose. Il n'est pas question de se lancer en affaires pour se lancer en affaires. Je répète bien que la structure permet, dans l'élaboration de compagnies, dans l'élaboration de projets, d'importation, d'exportation, d'idées, de création, de production, de permettre à quelques individus d'être monarchiquement libres dans un bras de compagnie. Alors, il ne faut pas penser bâtir nécessairement des multinationales. Un jour, si tu as une compagnie multinationale, tu auras un paquet d'êtres humains ou d'animaux humains comme employés. Mais ce n'est pas évolutif. C'est rentable, mais ce n'est pas évolutif. Par contre, ce que l'on doit faire, c'est que l'on doit s'arranger pour reprendre des choses qui vont mal ou lancer de nouvelles idées à partir d'une structure financière suffisamment grandiose et collective pour que le poids karmique de ces tentatives soit réparti sur l'échine de tout le monde, de façon à permettre à celui qui est en train de se débroussailler dans l'intelligence supramentale de pouvoir parvenir un jour à voir la lumière de la richesse sans risquer de perdre tout ce qu'il a chaque fois qu'il veut se lancer. Parce que de cette façon, l'individu ne se lance jamais, les risques étant trop grands. Mais à travers plusieurs projets, il y a toujours ces mathématiques, c'est astralement mathématique, des projets qui marchent et des projets qui foirent. L'individu qui s'occupe d'un projet qui ne marche pas, ça peut être sa faute. Mais ce n'est pas grave s'il accepte d'être formé. Et ce peut être aussi simplement parce que la loi mathématique de l'astral implique que sur une quantité de projets, certains devront tomber, même s'ils sont parfaits. Alors, ce n'est pas nécessairement la faute de l'individu. Mais celui-ci, en partant un projet qui va tomber, permet karmiquement de solidifier celui qui ne tombera pas. C'est-à-dire qu'il est du mauvais côté du levier, mais il baisse le côté mauvais, permettant au côté bon de monter. Alors, il doit, s'il est actionnaire, par exemple, de la ressource financière majeure, même si son chose descend, il a des dividendes de ce qui est ramassé par tout ce que lui a réussi à faire monter par mécanisme de levier. Alors, donc, il ne perd rien. Et tous les autres qui ont investi là, étant donné qu'il y a eu un consensus d'investissement minimum, les personnes ne perdent rien. On perd un peu pour regagner plus tard, jusqu'à un moment donné où tu abdiques les compagnies, tu abandonnes les compagnies qui ont de la difficulté pour ne conserver que celles qui marchent. Et tu continues à investir dans de la nouveauté pour t'obliger à ne jamais vieillir. Cette mécanicité, elle fonctionne. Ça marche. Si on se réfère à quelques 500 à 1000 ans dans l'avenir et qu'on regarde le passé, ça marche. L'histoire le prouve. À partir d'aujourd'hui, si on regarde dans le passé, l'histoire le prouve un peu moins. On doit néotyper. L'individu qui fait cela doit ajuster sa parole, attirer vers lui l'onde de forme des autres de la même race. Et tous ces gens seront riches. Il sera libre de la matière, libre de voyager, de s'instruire, de se former, libre de se retirer de la majorité des humains planétaires qui ne sont là que pour le têter et l'empêcher de monter. Il sera libre de créer un cadre social dans lequel il ne sera plus têté. Il sera libre de laisser couler totalement l'intelligence supramentale en fonction de sa parole, de son écriture, de sa gestuelle, de sa création, de son potentiel d'adaptation, d'ajustabilité. Il sera sur le chemin de l'avenir. Et un individu qui est planté sur le chemin de l'avenir est un individu qui est sauvé. C'est-à-dire que c'est un individu qui se dirige droit vers un double éthérique. Un individu qui a la capacité d'avoir de l'argent sans en donner aux pauvres. C'est important. Tu ne dois pas avoir de l'argent et en donner aux pauvres. Tu débalances l'équilibre. Tu dois avoir de l'argent pour pouvoir former des écoles sales, des écoles mal équipées, où les pauvres vont venir s'instruire. Et quand le pauvre change énergétiquement, il change d'école. Mais tu ne donnes pas une école de luxe à des pauvres, ils vont te la massacrer. On peut voir ça. la mutation lui donne une nouvelle peau. Cela veut dire qu'il doit devenir aristocrate, qu'il doit devenir un noble. Une noble, il doit se séparer de la lie de la population planétaire, pas d'une façon émotive, pas d'une façon de rejet haineux, simplement d'une façon mécanique, énergétique. Cela veut dire que lorsqu'il a traversé le peuple, il traverse le peuple, il n'y a pas de problème. Il ne doit pas haïr le peuple. Mais il ne doit pas non plus baser sa richesse en fonction du rejet de la culpabilité d'être différent, de façon à ne pas passer son temps à donner à autrui ce qu'autrui ne mérite pas et à se voler lui-même. La structure d'évolution est une structure qui doit demander à l'humain un réel changement. On est aux portes de 1989. L'ego permet, dans la jonction de deux années, sous l'égide de Janus, de pouvoir changer les choses. Alors, c'est extrêmement le temps de parler de ce genre de phénomène. Pourquoi? Parce qu'on peut changer, décider de partir d'une façon neuve, n'importe quand. Mais l'ego est un facteur extrêmement limitatif. Nous arrivons présentement à une époque glorieuse, celle où le plan planétaire va retourner vers le soleil. Donc, il y a un solstice d'hiver. Et il y a aussi le 1er janvier, le nouvel an, qui est une farce conceptuelle, mais l'ego y croit. Alors, du moment que l'année 1989 commence, on rejette, on prend un paquet de vieux linge le 30, le 31 décembre, et on jette ça. On élimine des vieilles photos, on élimine un paquet de vieilles choses, on change. Et en 89, on va magasiner pour un peu de nouveau linge, c'est le temps, même s'il y a beaucoup de monde, ça coûte pas cher. Et on se change, on en profite, c'est logique. Et là, l'ego nous autorise cela parce que l'ego est archétypalement basé sur l'idée que le 1er janvier, la nouvelle année, on peut prendre des résolutions, on peut changer. Maintenant, une fois qu'on a fait cela, on doit s'astreindre morticus à maintenir pendant les 6 prochains mois ce changement. Et là, on va le cellulariser. Et par la suite, on n'aura plus besoin de le maintenir, on va l'être. C'est le temps de changer parce que l'ego va le permettre. C'est évident qu'on peut changer le 25 de mars, le 3 février. Ça n'a rien à voir. Mais l'ego ne le permet pas. C'est plus dur, plus difficile. Alors, autant fonctionner convenablement. Présentement, on est chronologiquement bien placé. On en parle avant. Il reste quelques semaines pour s'enligner. Et puis après ça, on tombe en 1989. En réalité, on ne tombe pas, mais on y parvient. Et on s'arrange pour comprendre que l'être humain qui se supramentalise, que l'être humain qui évolue, doit cesser d'être un enfant. Il doit s'asseoir dans le luxe qui lui appartient. Il doit s'asseoir, et le luxe qui lui appartient, ce n'est pas nécessairement des vêtements à 400 ou 500 $ le morceau. C'est simplement que la façon dont lui porte un vêtement fait que le vêtement devient luxueux. Et il va lentement acquérir une conscience qui va lui permettre d'envisager une évolution qui donne des résultats dans la matière comme sur tous les plans. Cela veut nécessairement dire qu'il va s'enrichir. Cela veut nécessairement dire qu'il va améliorer son langage, sa structure de pensée, sa facilité de réflexion. Cela veut nécessairement dire qu'il va devenir vivant et avoir accès aux annales akashiques, ce qui donnera l'illusion qu'il a plus de mémoire. Cela veut nécessairement dire que tout ce qu'il va toucher va commencer à bien fonctionner. Cela veut nécessairement dire qu'il sera de plus en plus en contact avec lui-même, donc avec son esprit. Cela veut nécessairement dire qu'il va de plus en plus avoir des contacts avec des gens qui sont de la même race que lui, d'une race grande, haute, puissante. Cela veut nécessairement dire qu'il va lentement voir la fin d'un paquet de conneries. Mais pour cela, l'humain doit arracher. Il est néotypé. Mais il y a des archétypes, il doit digérer. Dans le temps des fêtes, on peut digérer des choses. On en a déjà parlé dans les années antérieures. Et le nouvel an arrivant, il peut aussi accepter le changement. L'ego l'autorise. Mais l'ego l'autorise jusqu'au 5 de janvier. Après ça, il fait tout pour revenir en arrière. Mais c'est pourquoi on doit, une fois qu'on aura changé, tu prends ce que tu peux jeter, tu le jettes. Ça devient irréversible. Tu ne peux pas retourner en arrière. Tu ne peux pas remettre ton vieux linge. Tu ne peux pas regarder tes vieilles photos, tes vieux bibelots. Tu changes des choses. Et cela veut dire aussi qu'à partir de maintenant, en changeant juste la structure, par exemple, de ta vestimentation, tu ne peux pas faire autrement que mettre ce linge-là, ce qui te conserve dans l'onde de forme que l'on recherche. Par la suite, l'individu doit s'arranger pour se lier financièrement à une structure collective qui permet d'investir un peu d'argent et qui permet, à partir de l'argent investi, d'apprendre à se lancer en affaires, supporté par une structure de conscientisation monarchique supramentale. Donc, l'individu ne doit pas se lancer en affaires exclusivement pour faire de l'argent. Tout à l'heure, je l'ai dit. L'individu doit évidemment s'associer à une structure financière collective de gens en formation supramentale, de gens qui évoluent, qui se conscientisent. Et lorsque cela est fait, l'individu doit maintenant être disponible à faire sa part et être disponible aussi à subir, pour l'ego, de l'information ou de la formation pour la conscience, pour lui permettre d'arriver à être de plus en plus efficace dans cette structure. L'intelligence supramentale, elle permet bien des choses, sauf qu'il y a des ajustements qui doivent se faire. Lorsque nous prenons de l'essence sans plomb, nous avons de meilleurs résultats avec les moteurs. Lorsque nous prenons du gaz propane, nous avons un résultat drôlement plus puissant avec les moteurs, parce qu'il n'y a pas de pollution, il n'y a pas d'usure mécanique, il n'y a pas de salissage mécanique, c'est extrêmement propre. Sauf que si nous prenons du gaz naturel, nous le plaçons dans un réservoir et nous envoyons ça au carburateur de l'automobile, c'est l'intelligence supramentale, c'est absolument génial, mais le moteur va tousser, c'est absolument incroyable. Il doit avoir un ajustement carburateur. Il doit y avoir un ajustement au niveau du moteur. Ça, c'est petit, ça. C'est beaucoup plus facile d'ajuster le moteur que de créer du gaz. Le gaz, on l'a. Sauf que la formation, c'est ça. Il y a beaucoup d'individus dans la salle ou qui ne sont pas dans la salle et qui écoutent et qui n'ont pas, qui leur manque une partie de formation, mais ils ont le reste. Le plus important, ils l'ont. Mais maintenant, ils devront être capables d'obliger leur ego à supporter certaines contraintes pour permettre cette formation qui, par la suite, va être acceptée et observée comme étant améliorative. Il y a de la formation. La grosse problématique, c'est le médiocrisme dans l'ego de la race, c'est-à-dire que l'archétype est un archétype de médiocre, un archétype de chute planétaire. L'homme a eu une chute, il est tombé. L'homme a fait une connerie, il a bouffé une pomme. L'homme a écouté un serpent. L'homme a fait la guerre. L'homme a toujours eu besoin des dieux. On a envoyé des demi-dieux. On a même envoyé un fils de Dieu, puis on l'a tué. À travers cet archétype, l'homme est une vraie larve. Lorsque la larve se rend compte qu'elle a la puissance et que finalement c'est Dieu la larve, parce que Dieu est un Dieu de matière, le corps physique est Dieu, ce qui l'habite est l'homme, et ce n'est pas l'inverse, l'homme n'est pas le corps de chair habité par l'esprit divin, c'est tout à fait l'inverse. Lorsque cela commence à être transposé néotypalement dans la conscience astrale de l'homme, il y a toujours l'archétype de médiocrité, de fautif, de pécheur, de chute, qui continue à le forcer à rester, à résister donc à l'intelligence et au neuf, à l'avenir, et à le forcer à rester ancré dans le vieux passage descendant de l'effusion. Alors donc, l'être humain devra travailler sur cette permission qu'il aura de foncer, de défoncer et de risquer de tout perdre en fonction d'une réussite vers l'avenir. Maintenant, risquer de tout perdre doit être fait mathématiquement. Alors, encore une fois, tu ne prends pas tout ton argent pour la placer dans un seul panier à la bourse en te disant « Bon, ben là, je me sais, si je perds tout, tant pis. » Ce n'est pas supramental. C'est astrologique, c'est astral, c'est idiot. Ça peut marcher. 1 sur 50 000 marche. Parce que celui-là qui marche, ça prouve à tout le monde que ça se peut. Puis les 49 999 qui ont perdu, on les oublie. Il y en a un que ça a marché. Fait qu'il y a 50 autres tatas qui vont faire la même chose. Parce qu'il y en a un qui marche, comme la loterie. Ça, c'est évident qu'il y en a qui gagne. La preuve, lui, il était millionnaire. Oui, c'est lui qu'on voit. On ne voit pas les autres. La structure, elle doit donc obliger. Je le dis parce que c'est quelque chose qui devrait être fait. C'est déjà en marche. L'individu doit s'arranger pour s'affilier à une structure financière collective qui permet à l'individu une formation et qui permet à l'individu, lorsqu'il est capable d'être monarque dans un petit monde, de s'occuper d'une cellule ou d'une compagnie parallèle qui est lancée par la première ou qui est achetée par le gros consortium financier pour pouvoir se lancer en affaires à partir de la structure évolutive supramentale. Donc, il doit régulièrement s'astreindre à devoir prendre du temps pour suivre des formations supramentales d'affaires. Alors maintenant, toute l'évolution qu'il a, elle se paie d'elle-même énergétiquement. Donc, il va mettre de l'énergie, il en reçoit, et il crée une synergie énergétique en fonction de ce qu'il a mis par rapport à ce qu'il a reçu. Cela l'a transformé, et cela se doit d'être applicable. Il y a une façon, il y a plusieurs façons, mais il y a une façon dans l'Antiquité qui était celle de « Viens suivre un cours de yoga et ouvre-toi une école de yoga. » Aujourd'hui, c'est un peu la même chose. On doit suivre quelque chose pour, après ça, que ça nous paye. On ne devrait plus s'inscrire, se lancer dans n'importe quel genre de formation si celle-ci ne peut pas, à court, moyen terme, ou peut-être long terme dans certains cas, se financer de par elle-même. Alors, si tu suis un cours, ce cours-là devra se payer de par lui-même en temps, il doit le faire. Alors, si tu suis un cours d'ajustement de la parole, ça t'aurait pris 15 ans avant d'arriver à le faire, en suivant un cours d'une fin de semaine, c'est réglé, c'est payé en temps. Est-ce qu'il peut se payer financièrement maintenant? Si ça t'aurait pris énormément de temps, c'est payé financièrement. Mais en plus, peux-tu l'appliquer dans ta vie de façon à améliorer ta condition? C'est important. Ta condition familiale, professionnelle, humaine, matérielle, tout. Alors, l'évolution que j'ai le goût de transmettre est une évolution qui devra permettre à l'individu qui s'immisce dedans de voir un retour énergétique sur tous les plans par la suite. C'est évident qu'un individu qui ne veut rien mettre en pratique n'aura pas le retour énergétique. Ce que je ne dis pas qu'un individu qui fait un séminaire, qui fait un cours de ce genre, va nécessairement le mettre en pratique. Ce que je dis, c'est que la structure même de l'enseignement est une structure qui, mise en pratique, se paie d'elle-même. Maintenant, ça dépendra de l'individu. Mais l'individu devra s'arranger pour, maintenant, axer cela pour que ça lui serve. Il y en a dans l'Antiquité. L'Antiquité, pour moi, c'est là 10-15 jours, là. Bon. Il y en a qui, à un moment donné, suivent des cours pour apprendre à être vendeur. Bon, c'est dans l'Antiquité, mais enfin. Je vais revenir en 1988. Alors, il y en a, ces temps-ci, qui suivent des cours pour être vendeur. Un cours pour être vendeur est un cours de relations humaines. C'est un cours extrêmement formatif qui forme des gens. Ça rend des gens peureux, plus solides. Ça permet à ces gens-là d'arriver à se connaître, à se comprendre, à se contrôler, à s'autodiscipliner, à manipuler autrui, à passer, à oser frapper à des portes et recevoir des noms en plein visage. Ça ne les dérange plus. Ça les rend solides. Ils évoluent. C'est souvent inconscient, mais ils évoluent. Et parce qu'ils évoluent, c'est rentable. Et parce que c'est rentable, ils se disent, bon, mais tel nouveau cours, il est 500 $. C'est cher, mais ça vaut peut-être la peine. Ils payent. Puis après 6 mois, tabarouette, c'est payé son cours. Un autre cours, 2 000 $. Oh, tabarnouche. Mais ils se rendent compte que plus ils payent, plus c'est puissant. Puis bon, ils payent son 2 000 $ encore. Un an après, c'est évident qu'il a fait 4 ou 5 000 de plus que ce qu'il aurait pu faire s'il n'aurait pas suivi son cours. Donc, le cours est payé, puis il reste 3 000 de bénéfices nets. L'individu évolue. Ce que nous, on doit comprendre, c'est que on doit tout baser la structure évolutive en fonction d'un retour énergétique quelconque, quelque part. Tu es étudiant, prends, forme-toi pour réussir les études. Forme-toi pour être l'élite. Pas parce qu'au niveau psychologique, tu veux être l'élite dans ta classe. La classe n'a rien à savoir. Forme-toi pour ne pas être stressé des études. Forme-toi pour comprendre rapidement. Forme-toi pour avoir accès aux annales akashiques. On pourrait dire avoir accès à une grande mémoire. Forme-toi aussi pour passer. Il y a un bonhomme, à un moment donné, qui suivait des cours en ophtalmologie. Et puis, lorsqu'il a fini son cours, il s'est rendu compte que chaque fois qu'il y avait des finissants dans cette école-là, dans cette université-là, les gens allaient acheter, les gens s'équipaient. Ils s'ouvraient des cliniques, et puis s'équipaient en instruments. Alors lui, ce qu'il a fait, c'est quelques années avant de la fin de son cours, il est allé voir les vendeurs d'instruments, puis il leur a dit simplement, « Si je t'en achète 50 équipements d'appareils, tu me fais un prix de grossiste? » Et le gars dit « Oui ». Il est revenu après, puis il a réussi à vendre ça à toute sa classe, puis à toutes les classes de la même année. Puis tous ceux qui ont fini ont tous acheté des instruments chez lui. C'était un étudiant. Il commençait comment? Il commençait riche, lui. Alors, il a vendu la première année suffisamment d'équipements pour que ses équipements, lui, ne coûtent absolument rien. Et puis, il a trouvé ça génial. Puis, il a continué. Puis, présentement, bien, il y a un des plus gros fournisseurs d'équipements au Canada. Il est en train de viser les États-Unis. Il va acheter une compagnie américaine, libre-échange, ça c'est génial pour lui. Mais le gars, c'est un étudiant en ophtalmologie. Est-ce qu'il en fait aujourd'hui? Non, mais il connaît au complet. Pour vendre, c'est très bon. Il n'a pas prévu, lui, qu'il suivrait ce cours-là pour vendre. Mais lui, ce qu'il a prévu, c'est qu'il suivait ce cours-là et qu'il ne resterait pas un tata. Alors, vu que tous les étudiants avaient besoin de stock, il allait chercher du stock et il aurait tout vendu. Les étudiants étaient bien contents. De lui ou d'un autre, là, ils nous amènent le stock. C'était impeccable, parce que quand tu es diplômé, il faut aller travailler, il faut de l'équipement. Tu vas le financer sur 5-6 ans, ben lui ou un autre, t'emprunte à la banque, tu finances la même chose. Le gars est parti riche. On pense toujours que c'est le sort qui fait que c'est la formation. J'ai rencontré ce bonhomme-là, puis c'est un bonhomme solide. Il n'y a pas toutes les formations qu'on a nous autres. Alors imaginez-vous, si nous, on aurait sa formation et l'information qu'on a. Qu'est-ce que ça peut donner? Sauf que lui, il n'était pas un médiocre. Il ne s'est pas dit, ben oui, mais là, m'a lâché tout ça, puis pas mal, le gars de la compagnie ne voudrait même pas me recevoir. Deuxièmement, la gang, ils voudront pas me l'acheter. C'est pas ça que tu te dis. Tu te dis, comment puis-je nécessairement avoir les instruments que j'ai besoin? Comment? Puis là, tu travailles sur le comment. Après ça, maintenant, il faut que je vende ça à toute la gang. Comment? S'ils vont sont jaloux, ils me l'acheteront pas. Si c'est quelqu'un qu'ils connaissent pas qui vient leur vendre, ma blonde ou ma femme, peut-être. Si je leur fais un bon rabais, ou si pendant le reste de l'année, je deviens bien chaud de ma casse-autre. À la fin de l'année, ils pourront pas foutrement que me l'acheter. Tu penses à comment tu vas réussir. C'est tout. Puis lui, il est presque tout à se casser la gueule. Mais il s'organise. Et il marche. Tout ce que l'on fait, c'est la même chose. Avec l'information qu'on a et la puissance qu'on a, avec la quantité de gens sur la planète qui ont besoin de cette information-là, on ne devrait pas avoir de problème à vivre financièrement et à rejoindre des gens intéressants. Avec toute la possibilité que le Québec dispose, le Canada, les États-Unis, on devrait être capable de s'en rendre affaire. Tu es un Italien, tu arrives ici, tu ne connais personne, puis au bout de 15 ans, tu manipules tout le monde. Tu es un Grec, tu arrives ici, tu ouvres un restaurant, tu fais de l'argent plus le Canadien qui ouvre un restaurant ici. Puis il faut qu'il vende des souvlaki, le Canadien, s'il veut faire de l'argent. Alors, comment se fait-il que quelqu'un qui part d'un autre pays, qui arrive ici en connaissant rien, arrive à fonctionner? On va dire c'est parce qu'il n'y a pas le choix. Alors, n'ayons pas le choix. Avec l'information qu'on a, n'ayons pas le choix. Tu prends un peu de ton argent, qui est emprunté un tout petit peu, puis tu la places dans un holding financier. Puis là, tu te dis, bon, ben là, maintenant, placez-le mon argent. Là, maintenant, je m'organise aussi pour fonctionner. Tu te mets au pied du mur. Pas au pied du mur en vivant au-dessus de tes moyens, mais au pied du mur énergétiquement. Décide que tu veux changer. Décide que ça va changer. Puis décide que ça doit rester intelligent. Toute l'évolution supramentale doit se faire en fonction d'un retour d'énergie. Tu payes pour une chose, ça doit te revenir. Sinon, pourquoi? Pourquoi y aller? Fais un séminaire qui ne te rapporte rien. Pourquoi faire le séminaire? Si ça te sauve bien du temps, c'est vendu. Ça te donne accès à d'autres phénomènes, à des contacts. C'est correct, c'est vendu. C'est correct. Mais à un moment donné, à travers tout ce qui se fait, tu travailles pour faire de l'argent. Y a-tu de l'avancement possible dans ton travail, dans ton emploi? Bon, c'est sécuritaire. C'est pas ça, je te demande. Est-ce qu'il y a de l'avancement possible? Peux-tu t'en sortir? Peux-tu améliorer ta condition humaine dans l'emploi que tu as présentement? Si la réponse est non ou oui, dans 200-300 ans, il faut immédiatement que tu commences à prendre du temps et de l'argent pour bâtir une structure qui va te permettre un avancement. Comment peux-tu évoluer spirituellement ou supramentalement dans une structure où l'avancement est interdit? Tu peux aller à l'église régulièrement puis dire, ben, c'est sécurisant. Oui, mais est-ce qu'il y a de l'avancement? Peux-tu devenir prêtre? Peux-tu devenir évêque? Peux-tu devenir cardinal? Peux-tu devenir pape? Ben non. Change de structure. Tu peux pas monter. Change. Tu peux pas être monarque en rien. Change de structure. Tu es toujours celui qui va suivre. Tu n'es jamais celui qu'on suit. Pas question de pouvoir ou d'ego. C'est question de mécanique. Change d'auto, change de souffleuse. C'est simple. Alors, l'individu qui vit une structure évolutive doit, dès maintenant, faire germer chez lui l'idée qu'il doit y avoir des échelons et qu'il doit monter les échelons. Ce n'est pas du positivisme ou de la motivation, c'est de la logique. Alors, ton emploi ne te permet pas une amélioration. Cumule de l'argent, puis maintenant, bâtis une structure qui, à un moment donné, pourra te permettre, à côté, de grimper. Puis quand ça sera suffisamment construit, l'emploi, tu le laisses tomber. Ça va te laisser une place pour quelqu'un d'autre qui en a besoin, qui, lui, vise ta place pour monter, puis toi, ben, t'es plafonné pour l'instant. On change d'emploi. On change pas d'emploi avant d'avoir l'autre structure. On change d'emploi quand c'est suffisamment solide. Et c'est pourquoi je dis qu'on doit s'arranger pour supporter collectivement le karma de ceux qui vont se risquer à améliorer leurs conditions par un contact supramental. On doit supporter collectivement pour la simple raison que plus on supporte collectivement, moins il y a de support, moins il y a de karma à supporter pour la simple raison que ça crée une synergie supramentale énergétique qui fait en sorte que le risque d'échec est à peu près tout à fait éliminé. Donc, tu es tout seul, tu te lances en affaires, tu te casses la gueule, tu te lis avec 25 personnes, tu peux te casser 25 fois moins la gueule, mais en réalité, c'est beaucoup mieux que ça. Tu peux te la casser 100 fois moins. Et si tu es relié à 500 personnes, casse la gueule, il n'y a plus de danger. Il n'y a plus de danger. Au juste pire, tu ouvres un magasin de manteaux de fourrure. Tu es allié à 500 personnes. Et puis là, les clients ne viennent pas. C'est pénible. Alors, tout ce qu'on fait, on dit, bon, ben là, on est 500 dans la gang, là. On va aller acheter un manteau chacun. Parlez-en à vos familles, à vos amis, là. Fait que là, ton magasin, là, parce que tu es associé, là, ce mois-ci, Puis c'est pas nous qui avons financé. On a peut-être besoin d'un manteau. On va acheter un manteau. Tu nous fais pas spécial ou rien, ou peut-être tu nous fais un petit spécial à cause que ça te tente pour sentir un peu moins coupable, mais normalement, tu devrais pas. Et puis on va s'acheter un manteau. Et puis on part avec le manteau. Mais là, financièrement, tu es sauvé, totalement sauvé. Puis tes profits, ça revient dans le consortium financier qui revient en dividende dans chacun qui t'a acheté un manteau. Donc, tous nos manteaux, on a un rabais de toute façon. Mais on n'a pas eu à prêter, on n'a pas bougé d'argent pendant tout. Puis là, ton magasin est sauvé. Là, maintenant que tu as de l'argent, là, quand tu reviens aux réunions, là, on repense comment s'arranger pour qu'il fonctionne. Maintenant, de l'argent, tu n'as pas qu'on fasse la publicité. Tu n'as pour changer de bebelle, tu n'as pour déménager, tu n'as pour faire bien des affaires. Mais tu étais allié à 5 personnes. Bien, 5 personnes, 5 personnes, à un moment donné, ils vont dire, bien là, on ne peut plus. C'est pour ça que l'humain doit s'arranger pour financièrement s'allier à une collectivité. Mais l'expression supramentale organisée va être plus à caractère, si on cherche des images assimilées à des corporations qu'à des nations. Oui, exact. C'est toute petite corporation. Alors, une petite compagnie avec 4-5 individus, un autre avec 2-3 individus, un autre avec 1 ou 2 individus, un autre avec 3-4 individus. Puis quand tu as besoin d'employés, tu engages ceux qui ne sont pas dans le groupe. Tu engages des gens de l'extérieur. Ceux qui sont facilement manipulables et qui facilement peuvent travailler sans trop se plaindre. Puis le moindre moment qui commence à se supramentaliser, bien là, tu le bookes d'un séminaire, puis à un moment donné, il partira par en haut, mais tu ne le gardes plus comme employé, c'est pas correct. Parce que l'employé, c'est beau de dire, un jour, tu prendras ma place, mais c'est pas ça qu'il faut faire pendant tout. Un jour, il y en a qui vont prendre ta place, tu ne resteras pas là tout le temps, dans la compagnie que tu es en train de gérer là. L'idée n'est pas de rester là. L'idée est de marcher là un bout de temps, transférer ton emploi dans cette région-là, et puis à un moment donné, bien là, tu commences à apprendre un peu plus, tu assistes à des réunions de 3-4 corporations, puis à un moment donné, bien, tu gères un peu plus haut, fait que là, c'est un autre qui est là-dedans, qui prend ta place là. Tu prends la place par en haut, du consortium aller à la place de directeur ou de gérance, mais pas d'en bas en montant là. La personne qui rentre en bas, si elle veut monter là, elle fera le séminaire, elle parlera le même langage que nous autres. Puis après ça, on pourra redescendre là. Il n'y a pas de problème, on va s'entendre. Mais c'est comme ça qu'on doit le faire. Ce qui fait que tu as tout un système de monarchie qui permet aux individus qui ont de l'intelligence de l'exprimer dans leurs affaires. Une personne veut être écrivain, qu'elle écrive des livres. On n'ira pas y dire rien d'autre. Si on a des corrections à faire, on fait des corrections dedans, etc. Parce qu'on agit en fonction d'un autre public. Elle écrit des livres, mais elle ne s'occupe pas de vendre des livres. Elle écrit-en. Nous, on va s'occuper d'en vendre des livres. Mais puisque toute action supramentale dans l'environnement terrestre va engendrer de l'astralité, de la mémoire, il va y avoir des colorations différenciées, des dégradées un peu de cette coloration initiale-là. Ça va engendrer des sectes aussi, ou des puissances? Oui. Sauf que dans les corporations, il y a une évidence majeure que les individus se réunissent quelques fois par année, tous les individus, pour discuter, dialoguer, genre, ça peut être lors d'une conférence. On fait une conférence et tous les individus sont là. Alors, étant donné qu'il y a un orateur qui parle, les individus se réajustent du point de vue de leur longueur d'onde. Lorsqu'il y a des questions après, ça s'ajuste aussi. À un moment donné, on a un cours intéressant au niveau supramental à faire, au niveau un cours qui peut donc donner une rentabilité. Eh bien, on peut l'offrir à tous les individus. L'individu peut dire, ah, moi, je n'ai pas nécessairement besoin de le suivre, mais énergétiquement, c'est bon, c'est rentable. C'est rentable juste d'être avec ce monde-là. Que je m'inscris pareil, puis j'y vais quand même. Comme l'argent rentre de bord, c'est en balance, t'inscrire un cours, c'est plus un problème, juste histoire de rencontrer des gens. De cette façon-là, tu élimines totalement la possibilité de sectariser les corporations. Est-ce que des gens du même faisceau énergétique, espritique, vont être plus en affinité de travailler ensemble? Ça dépend du corps physique, ça dépend donc de l'expression. Étant donné que la fusion des faisceaux va se faire dans plusieurs années, plusieurs zéros après le 1, l'individu doit apprendre à travailler individuellement, et on doit bien comprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, qui est absolument sine qua non dans cette structure d'évolution supramentale, c'est qu'on doit permettre à une personne de servir de véhicule d'expression d'intelligence. Alors, quel que soit le faisceau, si tous les deux on est du même faisceau, ton véhicule d'expression n'est pas le même que le mien, ce qui fait que je dois te laisser la parole, et tu dois me laisser la parole. Et maintenant que les paroles sont arrivées là, on n'argumente pas, il n'y a rien de plus stupide que d'argumenter. On a des réunions de temps en temps au niveau des compagnies où ça va être, bon, tu as quelque chose à dire, oui, moi, je suis absolument contre. Quelqu'un qui dit, ben voyons donc, ça n'a pas d'allure. Tu n'as rien compris l'idée. T'es contre, c'est ce que je veux savoir. Toi, est-ce que tu es pour ou contre? Moi, je suis pour. Correct. Toi, est-ce que tu es pour ou contre? Moi, je suis pour. Correct. Quand tu as fini le tour de table, bon. Il y a un monarque qui va dire, bon, t'es contre, pourquoi? À cause de ça, ça, ça, ça, ça. C'est tout. Tu n'as rien savoir d'autre. Là, on repasse. Puis, il y a un monarque qui coordonne simplement la descente supramentale à travers les individus. Il n'y a pas de question de dialogue entre un individu, ça ne sert absolument à rien. Là, l'ego embarque, c'est les égos qui se mettent à communiquer. Alors, il y a cette formation-là que les gens doivent apprendre. Une formation qui leur montre comment faire une réunion. En 2 heures, tu règles ce que la majorité des animaux humains règlent en 6, 7, 8, 9 heures. Parce que tu fais laisser couler l'intelligence supplémentaire, puis un monarque qui coordonne ce qui sort, c'est tout. Laisse tomber. Il y a la formation du point de vue de comprendre l'intelligence des affaires. La formation du point de vue de la manipulation astrale. Ce que tu veux lancer, si tu te lances en affaires, c'est attaque à l'astral. Il faut que tu comprennes cette mécanicité-là. La gérance du point de vue égoïque, ça commence à marcher. Sache que c'est pas toi. Va te coucher, relax. L'intelligence qui passe, c'est normal que ça amène des résultats, mais c'est pas toi. Quand tu penses que c'est toi, les résultats vont commencer à te colorer et à être altérés. Il y a un paquet de choses, et surtout, c'est qu'en étant affilié à une cellule centrale, tes choses, tu n'as rien encore qu'ils vivent. Ben, tu as des dividendes pareils qui se cumulent au niveau de la cellule, tu es déjà parti pour faire de l'argent. Tu te lances en affaires, ça prend un laps de temps, tu apprends, etc. Ça va mal, ça ne change rien, tu es financé pour faire ça. En plus, tu as des dividendes de ceux qui marchent déjà. Il y a une intelligence mécanique absolument astrale, vécue par l'intelligence, là, mais l'astral permet ça. Pour que les choses se fassent. Mais l'individu doit hautement s'arranger pour faire ça. Il doit s'allier à n'importe quel groupement d'évolution qui fonctionne à partir d'un répartissement de la structure karmique dans celui qui évolue. Quel va être... on a parlé d'entité au début, d'entité, parlons de l'entité planétaire qui a un corps astral, qui est l'astralité planétaire. L'introduction d'un phénomène énergétique. L'humain est une forme de neuronique un peu pour cette entité planétaire-là. Est-ce que l'exemple est-il valable au départ? Oui, le cerveau de la planète Terre, c'est l'homme. Bon. Puis l'espèce de supramentalisation de certaines cellules de ce cerveau-là, donc de supramentalisation de ce groupe humain. C'est comme le cerveau de l'homme, ça va créer certains conflits à un moment donné dedans sa tête, puis il y aura l'astral qui lutte contre le mental. Alors évidemment, il y aura aussi le jalousement de la majorité des habitants de la planète Terre par rapport à ceux qui semblent réussir, surtout par rapport à ceux qui disent évoluer et qui ne font que de l'argent. Alors, il y aura un jalousement massif et total. Et c'est pourquoi, tout à l'heure, lorsque je disais qu'il doit se développer dans la conscience astrale de l'homme, une conscience qui n'est pas une conscience à pouvoir, mais une conscience qui comprend la puissance, un néotype qui permet l'acceptation de la structure aristocratique ou de la structure de nouvelles races. Il est absolument normal de considérer que le loup sera jaloux du chien. Alors, on devra s'attendre effectivement à un pilonnement du monde de la mort par rapport à ce que l'on fait. Et c'est pourquoi, s'il y a une synergie suffisamment puissante dans l'onde de forme, dans le résultat, comme dans la manière appliquée, dans l'expression de l'intelligence supramentale, ça ne dérangera pas. On aura juste à se retirer simplement de ceux qui sont jaloux. Ou on aura juste à les faire chier un peu plus. Dans l'environnement, il y a une autre entité qui s'appelle l'entité solaire, qui... elle émet des taches solaires. À un moment donné, on parle d'astralité solaire. Oui, on en a déjà parlé en conférence régulière. L'émission de la tache solaire est une expulsion de son astralité. Ça. Quelle différence qu'il y a entre l'astralité solaire et l'astralité planétaire et quelle est l'incidence de l'astralité solaire? L'astralité solaire, c'est qu'on a parlé dans la réaction atomique, à un moment donné, il y avait des rejets totaux de phénomènes qui étaient extrêmement froids, extrêmement évolués, et finalement, il y avait une explosion totale qui se faisait au niveau du Soleil, et c'est ce qu'on voyait, une tache noire solaire. Une tâche solaire et sur le plan planétaire, l'humain, il y a eu des tâches majeures pendant la Première Guerre, pendant la Deuxième Guerre. Alors, il y a une incidence majeure du point de vue de la coloration astrale, de la manipulation astrale planétaire chez l'homme. Quand l'astralité planétaire, elle est basée sur le fait que l'être humain voit. C'est l'œil surtout qui engendre la perception astralisée, c'est-à-dire que c'est l'œil qui permet à l'humain de conceptualiser le monde. Les taches solaires sont une perturbation totale dans la lumière solaire, ce qui fait que tout ce qui va être lu à partir des sens cérébraux ainsi que du sens ophtalmique, dans la lumière, il y a donc énormément d'altérations lorsqu'il y a une explosion solaire au niveau d'une tache solaire. Et cela colore une incidence majeure dans la perception. Et cela rend l'humain extrêmement irritable. L'humain devient extrêmement manipulable parce qu'il a extrêmement peur. Il ne reconnaît plus tout à fait, du point de vue de la substance astrale, l'extérieur. Et il y a un paquet de manipulations relativement complexes à expliquer qui vont faire en sorte par la suite que dans l'expression endoformique et dans la réception de l'onde de retour, il y aura lentement des codages de problématiques, ce qui va engendrer une irritabilité planétaire qui normalement découle en apocalypse humain. Voilà. Alors on va faire une pause et puis on revient.